Cifu 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifu.ca. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la période du 14 au 27 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Salut Tania Baudin. Ça va bien. On n'est pas habitué de le faire dans cette façon-là. Ben non, on est comme en plein milieu d'après-midi, je suis comme toute mélangée. Au moins t'as un café. Oui, le matin, au moins. C'est pas le cas. Toi et moi, on anime l'émission Assemblage requis, l'émission du matin, assez fou, de 6h30 à 9h30. Oui. Et je pense que t'avais pas assez de moi dans ta semaine et vice-versa. Ben, je pense plus que t'avais besoin de moi. Ben, peut-être que j'étais seul, sinon, et que l'émission est plate rare quand je suis seul. Oh, mais non. On va avoir du fun, Matt. Tu viens quand tu veux. Donc, bienvenue à la première de la saison des Palmarès C'est fou. Oui, première de la saison parce qu'on était en congé depuis le mois d'avril. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à la fin du mois d'avril, début mai. Donc, il n'y a pas eu de palmarès l'émission, mais il y a eu des palmarès en tant que tel, des feuilles, des palmarès. Il y en a eu 6, en fait. Et à travers l'émission d'aujourd'hui, on va retourner en arrière et dire au revoir dans l'ordre aux pièces qui nous ont quittés pendant les 6 précédents palmarès, c'est-à-dire pendant les 4 derniers mois. Disons qu'il y a eu des périodes un peu difficiles, des 1 mois, des 2 semaines, des 3 semaines de palmarès. C'était un peu n'importe quoi cet été. Mais on est de retour. Et aujourd'hui, on va écouter presque au complet, le plus possible, les palmarès pour la période donc du 14 au 27 septembre. On va aussi avoir, bon, je l'ai dit, Palmarès in Peace. On n'aura pas d'un instant classique. Cette fois-ci, on va le garder pour la semaine prochaine. OK. On va complètement se débarrasser des pièces qui nous ont quittées cette semaine et la semaine prochaine, on écoutera les meilleurs moments d'assemblage requis pour les 3 premières semaines de la saison. Ça te va-tu, ça? Ça me va. Écoute, je te suis. Une chose à la fois. Donc, les palmarès, c'est fou. Comment ça se passe? On a 3 heures ensemble pour entendre le top 20 francophone et le top 20 anglophone. On va aussi regarder un petit peu légèrement ce qui se passe dans le top 30 des albums, le top 3 des disques canadiens, le top 10 loud, le top 5 musique du monde. On va savoir si la fin de l'émission, c'est numéro 1 franco et toujours Marie-Pierre Arthur avec Papillon de nuit et en anglo The Weather Station avec Loyalty. Ça va être d'ici la fin de l'émission. Mais on va débuter avec les nouvelles entrées. Tania, on va entendre du côté anglophone Ratatat avec Abrasive. Qu'est-ce qu'on va entendre en numéro 20 francophone? Ouh, on va entendre Rosie Vallant avec la pièce Olympe. Puis on se met la formule en tête pour l'instant. T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager? Quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagné? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer? Quand une voix oublie ton nom sur l'échafaud, quand une voix oublie ton nom. Thank you. Nouvelle entrée. C'est

Une nouvelle entrée en 19e place anglophone, c'était Fake Tears et You Want the Light sur l'album Night Shifting. Et du côté franco, en 19e position, c'était Sophie Anolin avec Ce Matin. En 20e place anglophone, on a entendu Rat-Tat-Tat avec Abrasive qui vient l'album Magnifique. Et en français, évidemment, Rosie Vallant avec Olympe. Voilà, c'est comme ça que débutait notre nouvelle saison des Palmarès C'est Fou avec des nouvelles entrées, mais on n'a pas encore terminé. Mais non! Il nous en reste 3 autres! Eh ben oui! C'est cool! On va entendre tout à l'heure en 18e place anglophone Faith No More avec Sunny Side Up. Mais pour le moment, on va aller écouter du Arthur Como avec Pour Pêcher. Puis restez là parce que tantôt, on va se faire pas un, pas deux, mais 3 blocs Palmer Rest in Peace. Ceux qui connaissent ça savent ce que c'est, puis les autres, ben ils savent pas, puis on va leur dire tantôt. T'en stimer. Il m'en est, on s'appelle, j'te, il dormait. entrée. Nouvelle entrée. Twin Bandit et la pièce Rosalind, nouvelle entrée en 17e place. Avant ça, de sauter par-dessus le 17 Franco. Oui! Qui n'est pas folle. Ben ouais. Ben ouais. Elbotard. Elbotard, exactement. Suis. je suis. Avant ça, c'était la 18e nouvelle entrée en anglophone, Faith No More et Sunny Side Up. Tout juste avant, on a entendu du Arthur Comeau avec Pour pêcher. Voilà. Comme on a entendu sept nouvelles entrées, ça veut dire qu'on a dû au revoir à cette pièce. Mais la twist cette semaine, c'est qu'on n'est pas en onde depuis le mois d'avril. Donc, on a vraiment dû au revoir à plein de chansons. Et je vous ai découpé ça en trois blocs de deux palmarès chaque. Donc, voici la première portion pour cette semaine de Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés du 27 avril au 7 juin. Yeah. C'était les pièces qui nous ont quittés dans les Palmarès C'est fou pour la période, en fait, les deux périodes, celle du 27 avril au 24 mai et la période du 25 mai au 7 juin. On va y aller dans l'ordre. En fait, je vais y aller dans l'ordre, Tania. Ben oui, vas-y. Il y a beaucoup d'informations. Mais je te laisse. Tu ne connais pas ces pièces. Et voilà. On a dit au revoir à Emily Cornut et la pièce 3 pistoches. Je crois qu'on l'a pistoffé, si on veut, comme pistoff, quelqu'un qui est pistoff. Navaire, avec Trouver Asile. Je pense qu'il a fini par trouver son asile. Summerland, juste un peu trop. Fait qu'on s'est dit, on va arrêter cela. Milk and Bone s'est versé un verre et l'a ensuite renversé de Coconut Water. Humans est en extinction avec sa pièce Follow. Two Gallons s'est fait montrer la porte comme un homme galant avec Fools Like Us. Del Bell in My Solitude se sent très très seul maintenant qu'elle n'est plus dans les palmarès. Et The Moors avec Youth a pris un coup de vieux. Une feuille à faire. Deuxième feuille. Pour la période du 25 mai au 7 juin, Galaxy nous a quittés pour un autre monde avec Dragon. Les Marinelli se sont fait cuire un plat de pâte et l'ont fait brûler avec Ondi. Les Incendiaires ont pogné en feu avec Pink Venus. Athena, pour un tour dans les draps, s'est fait montrer la porte de sortie vers la rue. Comme une prostituée, voilà. Danko Jones, Do You Wanna Rock? Sa réponse, c'est non. Napalm Palm, Seamstress s'est fait coudre dans un coin. Et Twin River s'est noyé avec Bend to Break. Deuxième feuille de fin. On va en avoir d'autres temps à faire avec ça, mais pour l'instant, on retourne à nos palmarès. On était rendu à sauter les pièces. Oui. On va sauter par-dessus la 17e francophone qu'on a déjà dit tantôt, Elmator. Oui. On va sauter aussi par-dessus les 16e places en anglophone, Patrick Watson et Love Songs for Robots qui descendent d'une place. Puis en français, c'est Propofol avec Il pleut. Alors on saute par-dessus. Ah oui, t'as envie de faire des jeux de mots comme j'ai fait. Hein? Tellement. On va passer aux 15e places. En anglophone, c'est Urban avec C'est la vie qui descend d'une place. Et en français, ce sera l'autobus du band Les Canards à l'Orange. On parlera si fou sur le 89.1 FM. C'est après de lire une immense brique, puis la façon dont tu t'attriques fait travailler mes préjugés. T'as l'air d'une fashion victime, ça fait que moi je me dis que t'aimes. Toi, le proton bouché sortirait. J'ai justement un lacet slack. Fait que je me penche pour voir du liquide. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que je m'imagine plein de belles affaires. Si t'en vas travailler au carrefour de l'escroc. Je sais, j'ai vu la carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur pis ton cerveau. Avant de passer 8 heures à vendre la merde au fou. J'suis sûr que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta sacoche. Ça en laisse pas gros pour les cochonneries, c'est le fun. Peux-tu avoir de la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste dans l'autobus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ. Fait que j'm'imagine plein de belles affaires. J'ai juste créé mes châtiments. J'suis un peu gêné de t'aborder. T'as dit ce livre-là est excellent. Utilisé pour te parler. J'te regarde du coin l'œil et puis j'casse sur mon iPod. J'écoute les marmottes pis d'autres musiques plus à mode. On arrête en même place, on va chercher des cordes. J'te regarde disparaître au milieu de l'or. L'écrivain reste dans le torbus. Me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste. Voyez au Christ, fait que j'imagine plein de belles affaires. And I'm looking in the window, looking in the window, careful on the ground. down the floorboards. Creeping down the floorboards. Stumbling around. Away. À la fin. Toujours gagnant. On va entendre Surin et Sylvie qui descendent une place en 15e anglophone. Et tout juste avant, on a entendu Les Connards à l'Orange avec la pièce L'Autobus dans le top franco. Exactement, ça c'est nouveau de la semaine passée alors que Surin est là depuis 6 semaines. Sinon, ben, comme on disait, c'était ben, c'est la première en ce moment de la saison des Palmeurs assez fous. Oui. Hein? Avec moi, Mathieu Plante. Talia Baudin qui est là cette semaine et qui revient quand elle veut et qui fait ben, ce qu'elle voudra. C'est, ça, je veux dire, féminisme, c'est girl power, puis tu fais ce que tu veux, je te dirais pourquoi faire. Hein? C'est ça. Alors, on était rendu à faire les positions numéro 13 et 14. Par contre, la numéro 14 anglophone, elle est très vieille. C'est Alabama Chase, qui est là depuis 7 palmarès. Ce qui veut dire, dans la vraie vie, étant donné que les palmarès l'été sortent aux 2 semaines, 3 semaines, ouais. Un mois et demi, genre, n'importe quoi. Mais ça fait 7 palmarès, donc probablement depuis le mois d'avril. Hein? Donc, on la jouera pas. Alabama Chase et Don't Wanna Fight, qui descend de 2 places. On va entendre plus tard, dans le bloc, Philippe Braque et Danko Jones. Mais pour le moment, on s'en va écouter du Philémon Simon avec la musique au 89 FM. Laissez parler la musique. On devrait avoir un slogan comme ça. On devrait. La musique est un amour. Un amour. Un sens unique. Mes spires up. Oh, Moody. Danko Jones, Watch You Slide, descend de la 7e à la 13e position anglophone. Ça fait 5 semaines que c'est là sur l'album Fire Music. Ça bougeait pas mal. Ça faisait hein? changement de l'autre avant. Hein? Et puis on a entendu du Philémon Simon et du Philippe Braque avec la pièce Christelle. Et Philémon Simon nous a joué la musique. Exactement. On saute par-dessus les positions 12 et 11. En anglophone, la 12e, c'est The Vaccines avec Handsome. Et en 11e place, c'est Braids avec Miniskirt. En français, on saute encore une fois, nous aussi, de la 12e à la 10e. Alors, en 12e position, c'était le Winston Ben avec la pièce La vie du bum et Pony avec L'amour argent. Voilà, donc c'est la fin de la première heure, la portion qu'on appelle New Shit de l'émission. Dans quelques instants, on va revenir avec une deuxième heure, la portion Top 10. Donc, on va jouer les pièces 10 à 6 de chaque côté, ainsi qu'un deuxième bloc de Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés pendant l'été. C'est au retour au Palmer Rest, c'est fou. Puis ça, ben, c'est assez fou. Au 89.1 FM. Assez fou pour en jouer de la musique de même. Hey, genre, lâcher les styles, restez là. J'ai jamais passé autant de temps pendant l'été à ne pas entendre le Tamis Palmarès. C'est fou, donc je suis heureux de le réentendre. Mais hein? Oui, il faut. Écoute, sinon, ça serait mauvais signe. Ben, c'est ça, c'est un bon thème, bon, je trouve. De retour au Palmarès, c'est fou, c'est la deuxième heure, la portion top 10 pour la période du 14 au 27 septembre 2015. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ben, Caroline, c'était pas un compliment, mais bon, je vais le prendre de même. On a dit tantôt qu'on sautait par-dessus les pièces parce qu'on doit se rendre au début de l'heure à la position numéro 10. Oui! C'est la règle et c'est là qu'on est, ça tombe-tu bien? En anglophone, on va entendre She Serpent et non pas She Serpent, comme tu l'as dit tantôt. C'est un peu louche. Ouais. Elle disait qu'elle avait mal aux fesses. Mais je l'ai dit en anglais d'abord et par la suite, on a dit beaucoup de niaiseries par rapport à ça. En tout cas, t'as le droit de faire ce que tu veux dans tes temps libres. La pièce s'appelle Black Sun et ça descend de deux places. Et puis dans le top franco, et bien en 10e position, on va entendre Les Incendiaires et L'éléphant s'évapore. À moins que je me trompe. Il y a peut-être un tutu aussi. L'éléphant? Ben oui. J'ai jamais vu d'éléphant à tutu, mais bon. Et moi, j'ai déjà vu ça une fois. Il y a dessus des serpents. Mais j'étais sur la morphine à l'hôpital. OK. Ça excuse tout. Ce n'est pas le reste, c'est fou.

s'émouvant, se chatoyant, qui sur mon cou s'alanguisse du cou au corps, sans barreau et sans cage, ta bouche fraise glisse encore à corps, audacieux et sauvage, elle m'émeut et me dit. I'm not afraid to die. C'était Jamie XX ou encore Jamie 20, aucune idée. Avec Love Places qui descend de 3 places sur l'album In Color en anglophone. Et aux francophones, eh bien, on a entendu Les Incendiaires en dehors des ondes. On disait plutôt Les Incendiés, puisque ce sont des hommes qui chantaient. Mais bon, Les Incendiaires avec L'éléphant s'évapore. Et en 9e position, on a entendu Sarah avec la pièce Délice du... de l'album La Souterraine. Mm-hmm. Et au tout début du bloc, c'était She Serpent avec Black Sun qui descend de 2 places sur l'album She Serpent. Tout à l'heure, on entendra No Joy et Navarre en 7e place. Mais avant ça, c'est le moment de retourner encore une fois en arrière parce que cet été, on a dit au revoir à plein de pièces. On n'a pas eu de palmarès depuis le mois d'avril. Il y a eu 6 éditions des palmarès, 6 périodes. C'est comme les aires glaciaires et autres. Là, sauf qu'à la place, c'est une aire où on sort la glaciaire comme une aire de repos. Comme Je ne passe aucun commentaire. Non, tu fais bien. Donc, on y va avec le bloc du milieu, les périodes 2, pardon, les périodes 3 et 4 de Palmarest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés entre le 8 juin et le 26 juillet. can be so cruel. Une deuxième fois. C'était les pièces qui ont quitté les Palmarès dans le milieu de l'été. Donc, on parle pour commencer de la période du 8 au 21 juin 2015. On a débuté avec deux pouilles en cavale qui sont sorties du grille-pain parfaitement toasté, on va se dire. Hein? Ben oui. Ensuite, la bronze. Qui, là, c'est facile, a explosé de bonheur et de joie avec Explose-moi. Hey, j'avais jamais entendu cette pièce-là. Oh, bon! J'avais jamais porté attention au fait que c'était la bronze qui chantait ça. Oui, parce que la bronze, apparemment que. Ben oui, c'est elle qui a fait le thème, la chanson musicale pour l'émission Le Chalet à Vrac TV. Cool, mais une ben oui, qualité quand même. Ben oui, j'écoute Le Chalet à Vrac TV. Il y a pas mal pire que Le Chalet à Vrac TV. Pas mal pire. Puis c'est québécois, fait que... Hein? Oui. Et c'est quoi la chanson de la bronze? De l'émission, tu veux dire, ou celle qui a joué? La chanson de l'émission? La chanson de l'émission s'intitule L'Anarchie des jours heureux. Et elle est sur le site de Vrac. Elle est sur le site de Vrac. Génial! Et sur YouTube aussi. Cool. Ensuite, ponctuation, on a vu un point s'afficher devant eux avec Météo. L. King a perdu sa couronne avec X's and O's parce que la pièce a commencé à jouer un petit peu dans les autres radios, donc on l'a enlevé. Ensuite, Purity Ring a complètement s'est fait péter à cerise avec Push Pull. Modest Mouse et s'est enflé la tête avec Of Course We Know. Et No Island s'est fait sauver par un bateau qui passait par là avec Held You Up. Une semaine. Une autre. De fait, schlau. Oh, et crime, ça s'est atterri sur la poitrine de Tania Baudet. Et elle est sur la... Waterine! Tania Baudin. Merci. Ensuite, pour la période c'est du terrible. 22 juin au 26 juin. Salut Simon, à Simon la Liberté du baseball. Oui. Lubick avec Cowboy s'est fait mettre au lasso. Le couleur s'est dénudé avec Tilly Jeans. Violence s'est fait abattre avec l'invention du divertissement. Lisbonne Telegram est passé à l'époque des SMS avec Fugitive. Duchess 16 a démissionné avec la pièce Travailler. League of Wolves s'est fait manger par les loups avec Runaway. Orange O'Clock a perdu le fil du temps avec Can't Fight the Feeling. Napalm Palm est tombé dans les pommes avec Faint of Heart. Dead Cab for Cutie a pris un taxi vers nulle part avec Black Sun. Et Viet Cong s'est fait ramasser à petite cuillère avec Newspaper Spoons. Ouh! Wow! Boule de papier d'en bas. Merci. Ouais, voilà. Voilà pour Palmarès Tin Piece. Tantôt, elle l'a mis directement dans la poubelle, mais ça a ricoché. C'est ricocheté? Ça a ricocheté, je pense, sur le bord de la poubelle. Malheureusement. Il faut que les gens comprennent que je vois pas où est la poubelle. Hein? Alors, non. Je lance... C'est ça, c'est dans les airs. Des gags visuels, mais comme toujours, assez fou. On était rendu pour ça numéro 8. Du côté anglophone, c'est No Joy avec Remember Nothing qui descend de 3 places. Et dans le palmarès franco, bien, on va être rendu à la 8e position. Okay. Matt, on va être rendu à la 8e position avec Navert et la pièce Dans le Dalo au 89 FM. Tu sais, hein? J'ai-tu laissé le dire avec un peu? Hein? J'ai pas parlé dessus, là. Tu m'as pas parlé. Je parle après, pour trop longtemps, genre, par dessus le début de la chanson. C'est correct. La poitrine! De Tania Baudin. Dans la foulée entassée, dans la mer noire de gens, t'es venu pour briller. Comme avant, tu repars sans dire un mot. Ton étoile dans le dalo, ton sourire trop maquillé. Sister qui monte de la 19e place maintenant en 7e. C'était son deuxième palmarès de présence. Eh bien oui. Eh bien oui. Et avant ça, qu'est-ce qu'on a entendu? Eh bien non, le top franco en 7e position, on a entendu Vilaine fille et mauvais garçon avec la pièce Constance. Constance, c'était le nom du personnage de Catherine Brunet dans Ramdam, ça, oui, non? Oui, parce qu'on parlait du chalet. C'était ça, hein? Je me trompe pas, là. Constance? C'était-tu elle, Constance? Je pense que c'est Constance. Que... Oui, oui, pas mal. Vérifie. Constance, Ramdam, tap, dop, dop, dop. J'ai tapé ça sur Google et... Pendant ce temps-là, je dis ce qu'on avait à dire d'autre. No Joy avec Remember Nothing qui descend 3 places en 8e anglo et au début du bloc navaire et dans le Dallo qui monte à la 14e place. Voilà. Ta T'avais raison, c'était bien Constance dans Ramdam. Who's the best? Who the man? C'est toi, c'est toi. It's me, thank you. Tu connais très bien les bonnes émissions. Je connais mon Ramdam comme personne d'autre dans la vie. Il y a comme trop de filles, là, par exemple. J'ai tapé Constance Ramdam sur Google. Il me sort beaucoup trop de choix. Ben, il y a sûrement un épisode qui s'appelait La Constance de quelque chose aussi. Là. Mais c'est elle, Constance. D'accord. C'est Constance Rondeau. Ah, ça, je ne savais pas. Tu vois, je connais pas tant mon Ramdam. Je savais pas qu'elle avait un nom de famille dans cette émission. Ben, c'est rare qu'on utilisait les noms de famille dans cette émission-là. À part pour différencier les familles, l'Espérance Laporte. Oui. Ouais. Bref, je montre mon. Je suis même trop vieux pour écouter ça. Alors, on était rendu au position numéro 6. Du côté anglophone, c'est Hot Chip, comme j'ai dit ce matin, Croissy Chaude, avec Why Makes Sense, qui descend de 3 places. Et du côté francophone, en 6e position, c'est J'ai plongé dans le bruit, avec Baden Baden, de l'album Mille éclairs. Qu'est-ce que ça veut dire, Baden Baden, selon toi? Hey, c'est une bonne question. Toi qui sais tout, Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire, baden baden? C'est quelqu'un qui a... Ah, je savais que tu savais! Mais non, mais il faut que tu me laisses le dire avant de dire si ça a l'air vrai ou pas. Parce que moi, je vais t'amener quelque chose, puis je vais faire comme si ça avait l'air vrai, puis toi, tu vas me dire genre, ah, ben oui, ben, ça a du sens, puis je vais dire c'était pas vrai, puis tu vas dire, ah, tu sais, là, je vais dire, ah, t'es tombé naïve, t'as bien beau dingue. Vas-y, par la suite, je vais te sortir ce que ça allait sortir sur Google. C'est parce que, tu sais, mettons, tu vas en. C'est où, là, où on prononce baleine? T'as baleine, t'as baleine, t'as baleine, t'as baleine, t'as baleine. Fait qu'il y a des endroits au Québec où ils disent baleine, une baleine, une baleine. OK. Baleine, baleine, une baleine, baleine. Regarde, il y a une baleine, baleine. Une baleine, baleine. Tu veux-tu te dire ce que Google m'a dit? De la baleine, baleine, puis de la baleine, baleine. Oui, vas-y. C'est une ville en Allemagne. C'est ça que je voulais dire. Non, c'est ça que j'ai dit, tu m'écoutes pas. Mais oui, c'est bien. C'est une ville qui est connue en tant que centre de villégiature. Ah ben, tu parles d'une affaire, toi. Et pour ses festivals internationaux de... Baden. Musique. Mais regarde dehors, une baleine, baleine. Elle connaît mal la baleine. Qui s'évapore. C'est ça. Je connais les couleurs qui se marient à toi. J'ai juré sur l'honneur tout des milliers de fois. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai revu la candeur qui se cachait là-bas. Les reflets nous déforment en des milliers de fois. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. Tout sera anormal en ne regrettant rien. On se dira du mal qu'on n'est pas comédien. Très bien, et on trouvera ça très bien. Et porté par le vent, on a dansé pour voir dans des vagues de nuit. Dans un dernier espoir, j'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à te regarder tout bas. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. Tout sera anormal en ne regrettant rien. On se dira du mal qu'on n'est pas comédien, qu'on est même un peu pâle. On a horizontal qui nous faisait du bien. Tout deviendra vital et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. J'ai juré sur l'honneur, tout des milliers de fois. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. 6. Yeah. un petit peu de salsa avec vos hot chips. Ah, c'était Hot Chip! Oui, la pièce Why Makes Sense descend de 3 places en 6e anglo. Et Franco! Baden Baden. C'est ça. Qui a une toute autre signification selon Mathieu, mais selon Google, c'est une ville allemande. Et leur pièce, j'ai plongé dans le bruit. Mm-hmm. Habituellement, on aurait eu juste assez de temps pour faire les positions 10 à 6 dans cette heure-ci. Par contre, il nous reste du temps, un petit peu de lousse, une dizaine de minutes. Donc, on a le temps de revenir en arrière pour deux pièces qu'on a sautées précédemment, les plus jeunes du groupe. Donc, on va rester en francophone pour aller entendre le groupe des 12 et 11. Tout à l'heure, il y aura Pony avec L'Amour Argent, mon commence en 12e francophone. Avec le Winston Ben et La Vie du Bum. Au Palmarès, c'est fou, la première édition de la saison, c'est pour ça qu'on joue le plus de chansons possibles et qu'on dit le moins de choses possibles. Ben oui, pour que vous en écoutiez le plus. Puis pour que quand on fait des jokes, ben ce soit les meilleurs jokes qui ont jamais été faites. C'est ça. Puis un jour, on réussira. Un jour. C'est les Palmarès, c'est fou, 89 FM. C'était Pony et la pièce L'amour argent, 11e place francophone qui descend de une. Oui, et on a entendu aussi, hein, on l'a entendu, ouais, le oui. Winston Bell, oh, yeah, avec La vie du bum. Mm-hmm. C'est une marque de pain, ça, je pense. C'est aussi un bar, le Winston Churchill Pub, à Montréal. Voilà, donc c'est la fin de la deuxième heure des Palmarès C'est fou, la portion top 10. Il nous reste la portion top 5 avec les positions 5 à 1. On va savoir d'ici la fin de l'émission si on a toujours comme numéro 1 francophone Marie-Pierre Arthur et Papillon de nuit, ainsi que The Weather Station avec Loyalty. C'est dans la dernière heure des Palmarès C'est fou. Tout ça est le dernier segment de Palmarès in Peace. Restez avec nous. Au 89 FM. FM. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Bon, attends, c'est la troisième heure des Palmarès C'est fou pour la période du 14 au 27 septembre 2015. Et toujours Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Vous nous connaissez d'Assemblage requis, l'émission du matin entre 6h30 et 9h30 du lundi au jeudi. Et là, ça donne qu'on anime ensemble les Palmarès C'est fou juste pour le plaisir de la chose. Eh oui, juste pour le plaisir de la chose. Mathieu n'avait pas de co-animateur aujourd'hui, alors je me suis infiltrée dans son émission. Tu fais ça quand tu veux parce que j'ai personne pour la session. Donc, on était rendu à l'heure top 5 des Palmarès C'est fou. On va commencer avec les 5e places. Je te dirais que la logique est d'accord avec ça? La logique est très d'accord avec ça. Elle dit ça a bien du sens. Donc, en anglophone, on va entendre The Weather Station. C'est l'ancien numéro 1. On a demandé tantôt si ça allait rester au sommet, mais non, ça descend. C'est la pièce Loyalty qui n'est pas loyale au sommet, malheureusement. Tu veux même pas que je le fasse, ce brûlet. Ah non, fais pas ça, s'il te plaît. Ça va être gênant. Et en 5e position, il y a du top francophone. Ça va être Ponctuation avec la pièce Poésie automatique de l'album La réalité nous suffit. On peut en rester fou sur les 89.1 FM.

Oh wow, le plus récent extrait de Matrix avec The Shade, position numéro 4, stable en anglais. Et enfin... mais oui, mais c'est parce qu'on ne l'a pas encore entendu. Ben oui, on l'a entendu. Hein? On l'a-tu entendu? On ne l'a pas entendu, je ne suis pas sûre. Oui, on l'a entendu. On l'a entendu? Ben, je te dis que oui. OK, on l'a entendu en quatrième position du top francophone. C'était les Shrimps. Et la pièce musicale Le Doute. Je te confirme qu'on l'a bien entendu. Okay. J'ai vérifié mes affaires. Avant ça, c'était, tu me fais douter. The Weather Station avec Loyalty, l'ancien numéro 1 qui est maintenant en 5e place anglophone. Et on a débuté en position numéro 5 francophone. C'était Poésie automatique avec Ponctuation. Voilà. Tout à l'heure, en 3e, il y aura Marie-Pierre Arthur ainsi que You Can't Blonde. Je viens de révéler le punch que le numéro 1 est descendu. Mais avant ça, c'est la dernière portion de l'été parce que vous savez, on était en congé depuis le mois de mai au Palmarès C'est Fou. On est de retour pour une nouvelle saison à partir de cette semaine. On est les mardis de 15h à 18h. Et comme on a pris un congé, il y a beaucoup de pièces qui nous ont quittés. Là, on entre dans la troisième phase. Les deux derniers palmarès, c'est des pièces que j'ai même pas eu la chance d'entendre pour certaines d'entre eux, d'entre elles, depuis le début de l'été. Mais elles ont eu le temps de venir dans le palmarès et de nous quitter pendant mon absence. Donc, voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés entre le 27 juillet et le 13 septembre. Never.

Yukon Blonde, Saturday Night, lancé numéro 2, ça descend de une en troisième place anglophone. L'album s'appelle On Blonde. C'est très bon. Ben, mais ça l'est encore. Garçon, on se dandine les épaules. Pas fini. Voilà, là, c'est terminé. Plus de plaisir. Avant ça, on a entendu la troisième franco. Oui, qui était Papillon de nuit de Marie-Pierre Arthur. On a descendu de deux places pour Marie-Pierre Arthur. Ouh, hein? C'est-tu pas quelque chose, ça? Point, il y a seulement, seulement les numéros 2 et 1 à entendre, Tania. Eh, ben oui, il en reste juste 2. Il nous reste seulement une demi-heure à l'émission. Mais oui. Moi, je pense qu'avec 4 pièces, on devrait pouvoir retourner entendre les pièces qu'on avait sautées précédemment. On devrait. Donc, profitons du temps que nous avons devant nous pour entendre les positions numéro 2. En anglophone, c'est Teen Days qui fait un énorme saut de 16 places vers le haut. C'était une nouvelle entrée la semaine passée sur leur album Morning World. Ouh, et la semaine dernière, ils étaient en 3e position. Donc, on monte de 1 pour Rose Fargo et la pièce Velvet. Au palmarès, c'est fou! 89.1 FM. 14 Days, Pink. Ça monte de 16 en deuxième anglophone. Et en deuxième francophone, et bien évidemment, on avait Rose Fargo et la pièce Velvet. Évidemment. Comme Rose Velvet. Ben voilà, rouge velvet. Comme un rouge Velvet, c'est ça. Red rouge Velvet, et voilà. Oui. Tania, on est rendu au numéro 1. Oui. Et toi qui es vierge de tout palmarès. Oui. Tu ne sais pas ce qui s'en vient. Non. En fait, ça va ressembler pas mal au reste de l'émission d'aujourd'hui parce que j'avais beaucoup d'inspiration. Je me suis retenu pendant 4 mois pour faire des jeux de mots sur chacune des pièces. J'en doute même pas. C'est ça. Les numéros 1 annoncent toujours les jeux de mots poche des numéros 1. OK. C'est une tradition, les jeux de mots poche des numéros 1, c'est comme ça. Moi, je suis là, comme un grand écrivain célèbre, je sors mon crayon, j'aiguise tout en chantant et j'aiguise ma mine. Je fais du chant de mine, de mine, chant de mine. Ou encore, j'aurais pu dire que j'allais planter des crayons, des mines pour faire, pour pouvoir mettre dans mon crayon à mine. Ouais, t'aurais pu faire ça aussi. Mais c'est pas écrit comme ça, ben, parce que c'est comme plus chant, comme un chant de fleurs. Ouais, exact. De mine. Bref, hein, dans un autre monde, peut-être, les gens trouveraient ce jeu de mots-là drôle, hein, peut-être dans une autre galaxie. C'est peut-être de la poésie mentale. Peut-être de la poésie mentale, si on veut. Je pense que le peuple Zoulou en Afrique aime bien ce genre de poésie-là, c'est ça. Sinon, ben, peut-être que ce soir, si je te fais assez de jeux de mots dans l'émission d'aujourd'hui, peut-être que tu vas en rêver, hein, peut-être que tu vas tomber en amour avec mes jeux de mots. Là. Peut-être. Ça se pourrait. Peut-être, sinon, dans le contraire des choses, peut-être que tu voudrais me détruire. Oh! Pour que je fasse plus jamais de jeu de mots, tu sais. Ou peut-être que tu vas vouloir me tuer en insérant quelque chose dans ma bouteille d'eau Brita. Peut-être un poison. Oh, peut-être. Chose du genre, peut-être, dépendant, tu sais. Est-ce que tu es capable, tu penses, de nous expliquer les jeux de mots que j'ai fait? Tout à fait. Essaie-toi donc. Avec qui on commence avec le top francophone? Ben, vas-y donc. Eh bien, on commence avec le top francophone. Cette semaine, on a monté de 5 positions. La première position de votre top 20 francophone, eh bien, c'est des artistes Galaxy avec la pièce Chant de mine sur l'album Zoulou, dont d'où la belle poésie de Mathieu. C'est ça, et du top 20 anglophone, on a monté d'une position cette semaine. Non, en fait, on a monté de 19 positions. Wow! Ça se peut-tu qu'on l'ait fait jouer pas mal? Je pense que oui, je crois rêver, mais en effet, ça a monté d'un méchant bout, ça. On a monté... D'un bout à l'autre, avec Dream Lover de l'artiste Destroyer sur l'album Poison Season, d'où tous les jeux de mots de meurtre de Mathieu. C'est un peu lugubre et tout ça est sombre. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Hein? Eh ben oui. Donc, on va entendre, comme tu l'as dit, pour débuter Galaxy, puis suivra Destroyer. On écoute ça, les numéros 1 présentement au Palmarès, c'est fou. 89 FM. l'émission. City, lovers on the run, lovers on the run. Première place des Palmarès C'est fou pour la période du 14 au 27 septembre 2015. En anglophone, on vient d'entendre Destroyer avec Dream Lover qui monte de 19 places. Pendant que dans le top francophone, on a entendu Chant de mine de Galaxy et l'album Zulu. Et voilà, c'était les numéros 1, mais on, il reste encore une dizaine de minutes environ, donc prenons le temps de retourner en arrière. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai essayé de faire jouer le plus de palmarès possible étant donné qu'on a eu un long congé. Et jusqu'à maintenant, on a sauté 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Et je crois qu'on va avoir le temps d'en entendre 2 avant de se quitter. Donc on va avoir en tout sauté 4 pièces. Pas pire, ça, là. C'est correct, hein? Je sais, depuis que tantôt, tu me demandes quand est-ce qu'on va faire jouer cette pièce-là. Oui! C'est la position numéro 11 du côté anglophone et je te laisse la présenter. Eh bien, c'est du band Braids et c'est la pièce Miniskirt. Ah! Oh! Une mini-jupe de cuir, oui. Une mini-jupe de cuir. Au palmarès, c'est fou. Pièce Mini Skirt pour son numéro 11 sur l'album Deep in the Iris, une demande spéciale de Tania Baudin qui adore cette chanson-là. Oui, j'aime le beat, puis j'aime le message aussi que ça se transfère. Anti-culture du viol, juste parce que je porte une belle petite mini-jupe rouge, ça veut pas dire que tu me touches. C'est ça. C'est ça. Beau message en effet, donc pour Braids. Très beau message. Mm-hmm. On va se quitter dans quelques instants avec Alabama Shakes et Don't Wanna Fight qui descend de deux places en 14e. Des pièces qu'on avait sautées précédemment dans l'émission. Alors, on a joué tout sauf quatre pièces. Oui. Je trouve que c'est un record de musique dans les palmarès. On était très bon. Très, très excellent. Parce qu'on a sauté quelques chroniques. On n'a pas fait C'était fou. On n'a pas fait l'instant classique. On n'a pas fait ailleurs dans les palmarès. On n'a rien fait de tout ça. On remettra ça à la semaine prochaine. On rejoue. En fait, on est en direct les mardis entre 15h et 18h cette saison-ci. Donc, soyez-y tous les mardis. On rejoue. Les vendredis soirs à 17h, après Rock Classic et avant Sky Punka, les Bonnets Rouges. Et on repasse finalement les dimanches à midi. Restez à l'écoute en général. Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci, Tania Baudet, d'avoir passé l'émission avec moi. Bien, merci, Mathieu Plante, d'avoir accepté et de m'avoir demandé de venir dans l'émission avec toi. Tu reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte, littéralement, sur les fêtes. Ouais, ouais, tout à fait. À la semaine prochaine, mardi 15h. Bonne semaine. Bonne semaine, Bye. Tout le monde. My breath, I'm gonna work myself to death.